Bonsoir, bienvenue à MTC pour le cours de semaine, mardi soir, avec le Rav Maimon Pinto. Et ce soir, ça va être sur le cours de la paracha de Vaïchev. On est le 19 qui se lève 5774 et le 19 novembre 2013. Et ce cours est pour les Lunishma de Rosalie Batourida et de la Rifua Shelema de Nissim Ben Aviva. Vatachem, bonne écoute et bonne soirée. Une histoire. Dommage, je voulais amener mon, j'avais mon Tanakh dans la main et j'ai oublié de l'amener. Je voulais citer un verset de Zecharia. Il y a un Tanakh. Si tu peux me l'amener, cela. Merci. Parashat Hashavua. Parashat Vayeshev. Il y a une histoire qui est racontée au temps du... tout le monde sait que dans quelques jours, c'est Yutet qui se lève. Yutet qui se lève, c'est le jour de la libération du Rabbi qui est en prison. C'est une histoire qui a plus que 200 ans. Que le Admon Hazaken, le Baal HaTanya, a été pris en prison. Non, merci. Qui a été pris en prison et pour certaines raisons, etc. Après 52 jours, il était libéré de prison à Yutet Kislev. L'histoire qui est racontée sur le Baal HaTanya concernant une Neshama qui avait besoin d'un tikkun. Il y a une histoire dans la Gemara de Gittin qui part de Nebuzardéan. Tout le monde sait c'est qui Nebuzardéan. C'était le sergent de guerre de Titus, des Romains, qui ont détruit le deuxième temple. Oui. Oui, Nebuzardéan. Vous avez raconté l'histoire, je pense, non? Non. Avec le sang? Le son qui bouillait. Il s'est jeté par le... Non, ça c'est Horodus. C'est avec Horodus? Non. On a parlé de cette histoire. Titus, il a dit ne détruis pas le... Ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ne détruis pas le mur pour laisser... Et il lui a dit, vu que tu n'as pas tout détruit, jette-toi par le toit. Non, attendez, je pense qu'on mélange quelques histoires ensemble. Il y a l'histoire avec Horodus, avec la fille de Hashmonaïm qui a sauté du toit. Non, mais il y avait aussi le capitaine. Le capitaine de Titus. T'as raison. Il y a cette Maccabi, comment ça s'appelle? Le Maccabi. Vous avez dit qu'il n'a pas tout détruit. Et c'est lui qui, après, il a dit tu te sautes. Tu lui as dit, comme c'était laissé un vestige, il a dit tu sautes par les murailles. Je me rappelle pas de cette histoire. Bon, c'est pas grave. Le général, il n'était pas le général de Nebuchadnezzar Melech Babel. Nebuzardéan. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai. Nebuzardéan, c'est de Melech Babel. Excusez-moi, non. Nebuzardéan, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Titus? Non, le premier. Nebuzardéan, c'était le chardon. Bon, on continue avec l'histoire. Il y a l'histoire de Zecharia. Zecharia, un avis dans Divrei Hayamim, il a vécu au temps de Yeshaya, à Melech. Et Zecharia avait été assassiné. Oui, le roi. Le prophète lui-même, Zecharia. Tranché en deux. Il n'était pas tranché en deux. Bon, j'ai jamais entendu ça. Et comment il l'a assassiné? On va parler de ça tout de suite. Alors, Zecharia, dans Divrei Hayamim, s'est raconté qu'il y avait le Melech Yeshaya. Et le Melech Yeshaya, Asa Atov Be'enei Hashem, il s'est comporté bien, c'était un bon roi, quoi. Mais là, les versets dans Divrei Hayamim rapportent que c'était un roi qui était juste. Jusqu'au temps qu'après Yehoyada c'était le Kohen dans ce temps-là, après que Yehoyada et Nistalek est décédé, Yoash, Amelech, s'est commencé à se comporter de façon très très mauvaise. Il a amené le tselem, il a commencé à l'idolâtrie, etc. Et beaucoup de ses servants qui étaient autour de son royaume lui ont demandé d'être leur dieu. Bon, Zecharia, tout de suite, il remarque qu'est-ce qui arrive et il leur dit tout de suite, il les réprimande, il leur dit comme ça. Excusez-moi une seconde, je cherche le verset ici. Voilà. Yoash, juste à la fin. Bon, l'histoire, c'est que les gens ont commencé à lui. Et quand Zecharia a commencé à les réprimander, tout de suite, les gens ont commencé à prendre des pierres et ils ont tué Zecharia. Ils l'ont lapidé. Ça, c'est l'histoire de Zecharia. Plus tard, dans la Gemara de Maseret Gittin, c'est rapporté l'histoire de Nebuzardéan. C'est rapporté que Rabbi Yeshua Ben Karka rapporte qu'il a vu un zaken. Et il lui a dit, ce zaken lui a dit que dans cette place ici, à côté du rocher, Nebuzardéan a tué plus que 211 000 enfants et talmidei chachamim. Et il dit qu'il avait tellement sur le rocher, il les égorgeait. Et le sang, la Gemara a dit, le sang il coulait jusqu'à l'entrée de la Hazara du Beit HaMikdash. Dans la Hazara du Beit HaMikdash, quand il arrivait, Nebuzardéan, il voit qu'il y a du sang qui bouillonne. Comme un... Ça bouillonnait, quoi. Alors, Nebuzardéan leur demande, aux gens qui se trouvent, leur dit, c'est quoi ce sang? Pourquoi il bouillonne comme ça? Il leur dit, c'est du sang d'un corban. Il leur dit, ah bon? Il a pris... une bête, ils l'ont égorgé, ils ont mis du sang à côté, ça ne bouillonnait pas. Il leur a dit, bon, ou vous me dites c'est quoi, ou je vous mets à côté de ce sang. Alors, ils lui ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va te dire? C'est le sang de Zecharia. Et la Gemara raconte que pendant 252 ans, le sang de Zecharia bouillonnait. Il y avait une tache de sang qui se trouvait et ça bouillonnait toujours. Il ne s'est jamais arrêté. Et il a dit, ah bon, ça c'est que ce que les Juifs ils font à un prophète. Ils l'ont lapidé. Alors, je vais vous montrer. Jusqu'à ce que le sang n'arrête pas, je vais égorger tout le monde. Et la Gemara raconte qu'il a amené la Sanhedrin Agdola et il les a égorgés. Sanhedrin Agdola, il les a égorgés. Tino Kotchel Bet Ramban, les enfants, les femmes, il les égorge, ça continue. Et ça n'arrête pas, le sang n'arrête pas. Ça bouillonne. Pirhekuna, tout le monde. Et le sang bouillonne, ça n'arrête pas. Alors, Nebuzardéan, il a commencé à se fatiguer lui-même de tuer, ça n'arrêtait pas. Alors, Nebuzardéan, il crie à Zecharia et il lui dit, Zecharia, jusqu'à quand tu veux que je continue? Est-ce que tu veux que je tue tout le monde? Et là, le sang a arrêté. Le sang s'est arrêté, de bouillonner. Et la Gemara raconte que Nebuzardéan, quand il a vu ça, il a dit, est-ce que c'est possible que tellement de gens ont été tués à cause de Zecharia, des centaines et des centaines, des milliers de gens se sont tués pour le sang de Zecharia. Et pour une personne, tellement de personnes, alors moi que j'ai tué tellement de personnes, ma punition elle va être très grande. Alors la Gemara a dit que Nebuzardéan, il a fait tchouva, et ses enfants, la Gemara a dit, ses enfants et les enfants de Amalek, hein, c'est une grande question, comment est-ce que les enfants d'Amalek, parce que en vérité, ils étaient en train d'étudier de la Torah à Bnei Brak. Comme ça, la Gemara a conclu l'histoire, plus ou moins. Il y a une histoire avec, retournant à l'histoire du Baal HaTanya, une des fois, hein, le Baal HaTanya, il parlait de cette histoire, et il était Melamed Zchout sur toute cette histoire, les gens qui ont tué Zechariah. Comment est-ce qu'il était Melamed Zchout sur eux? Il a dit comme ça. Il a dit que quand un prophète dit une prophétie, cette prophétie, elle va être garantie. C'est-à-dire, si un prophète, il reçoit une prophétie de Dieu, par un chalom, par exemple, par un rêve ou une vision, comme Yeheskiel, c'était la vision, etc. Tant qu'il n'a pas prononcé en parole cette vision, cette prophétie, ça se peut que cette prophétie peut toujours être changée. Peut pas se réaliser, que le décret va être annulé. Mais du moment que le prophète, il dit la prophétie en parole, cette prophétie ne peut pas jamais être annulée. Alors le Baal HaTanya, il explique que les gens qui ont lapidé Zechariah, ils avaient su que Zechariah, il allait annoncer des mauvaises nouvelles. Parce qu'il avait vu Zechariah, il avait vu que Yoash, Melech Yoash, tout ce temps, il était bien jusqu'à Yoyada. Zechariah, c'était le fils de Yoyada Cohen. Excusez-moi, j'ai oublié ce détail. Et Zechariah, il a vu que Yoash, il était bien jusqu'à que son père était là. Mais dès que son père était décédé, il a commencé à être un grand rachat, il a amené de l'idolâtrie, etc. Alors les gens qui étaient autour de lui, ils savaient que Zechariah, il les avait réprimandés. Et ils savaient que Zechariah, il allait leur donner une prophétie qui allait avoir un décret de Dieu. Alors, le Baal HaTanya explique, ils ont fait un Messirut Nefesh pour tuer Zechariah, de sauver le peuple juif de ce décret, de cette prophétie de Zechariah. Ça veut dire qu'ils se sont mis, remplaçant de toute la nation du peuple juif, qu'un grand décret ne vient pas sur eux. Eux, ils ont tué Zechariah, même que sans leur âme, vous pouvez imaginer, de tuer un prophète, ça c'est pas aussi simple. Ah, ils ont fait cette Messirut Nefesh pour tuer Zechariah, puisqu'ils savaient qu'il allait faire une prophétie. Et pour qu'il ne s'exprime pas cette prophétie en parole, ils l'ont tué avant qu'ils peuvent le faire. Ça, c'est comment le Baal HaTanya a expliqué cette histoire. Bon, les gens qui étaient dans la salle, il y avait beaucoup de Talmid Hachamim dans le Beit Midrash, et ils avaient une très grande question. Comment est-ce que... Les idolâtres. Comment est-ce que le Baal HaTanya peut être Melamed Zchout sur une personne comme ça? La Torah elle-même, dans les Nevi'im, dans Divrei Hayamim, c'était des grands Rechaim. Comment est-ce qu'il est Melamed Zchout sur quelqu'un qui a tué un prophète? Et en plus de ce Shetaram, il était assassiné Shabbat, qui était le jour de Kippour. Oui, mais Zechariah. Oui, mais la question. Alors, comment? Dans la Hazara du Beit HaMikdash. Dans la Hazara du Beit HaMikdash. Okay. Vous pouvez imaginer. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont demandé? Très ouvertement, comment est-ce que le Baal HaTanya, il est Melamed Zchout sur des tellement grands rechaim comme ça? Shabbat, Yom Kippour, dans la Hazara, dans le Beit HaMikdash. Et il est Melamed Zchout sur eux. Mais c'était des idolâtres ceux qui l'ont tué. Bien sûr. C'était des gens qui faisaient partie de Yoash HaMelech. Mais comment ils ont eu la vision pour savoir tout ça alors que c'était des idolâtres? Ils étaient des idolâtres, mais ils savaient ce que le Nabi disait. Le Nabi, c'est le Nabi. Ils ont su ce que le Nabi allait dire alors que c'était des idolâtres. Il n'a pas encore non, ils savaient que. Ils savaient que. Il veut pas. Regardez, y a, dans le temps du premier temple, peut-être, vous savez l'histoire avec un des Tanaïm qui rigolait de Menaché. Menaché, c'était le roi de Yehuda, oui. Menaché, c'était le fils de Cheskia ou Anmelech. Et c'était un grand idolâtre. C'était un très grand Talmid Chacham. immense. Peut-être c'était le gadol ador, mais c'était un idolâtre. Les Tanaïm, un des Tanaïm, c'est raconté dans la Gemara qu'un des Tanaïm a rigolé de Menaché une fois. Et Menaché lui est venu dans un rêve, il lui a dit: est-ce que tu connais la raison pourquoi on fait Netilat Yadayim? Il a dit: non, je ne sais pas. Le Tana. Il a dit: et tu rigoles de moi? Il a dit: si tu serais dans mon temps, tu aurais levé ta robe, tes vêtements, et tu aurais couru faire de la Avodah Zarah. Parce que le Yetzirah dans ce temps-là, c'était ça. Pourquoi c'était ça? Parce que Shlomo HaMelech, il dit: Zele umadze asa Elokim. La même chose qu'il y a dans la Kdusha, tout ce qu'il y a dans la Kdusha, il y a aussi dans la Sitra Acha, dans la Klipa. Alors, dans le temps du Bet HaMikdash, c'était quoi la Avodat Hashem? C'était le Bet HaMikdash et les Korbanot. Alors, c'est quoi le Umadze? L'idolâtrie. Les enfants de Shlomo HaMelech, ils ont fait l'idolâtrie. C'est raconté. Bon, il y a une explication. C'est dit que même Shlomo HaMelech, il avait fait, mais oui, les commentaires disent que ce n'était pas qu'il lui l'avait fait, non, c'est parce que ses femmes, c'est ça. Menaché lui-même. Alors Menaché, ça se peut que c'était Achav, c'était un roi qui était considéré un rachat, mais c'est un très grand ami de Racham. Bon, alors les gens, ils ont demandé à Dvar Zaker, au Baal HaTanya, comment est-ce qu'il avait la metzroute sur des gens qui étaient comme ça. Alors il dit, alors le Baal HaTanya leur dit, la Neshama de la première personne qui a jeté la première pierre sur Zechariah Hanavi, elle est finie, se trouvait maintenant dans cette salle, presque 2000 ans plus tard. Et cette Neshama, il leur a dit, ça fait plus que 1500 ans, elle attend pour un tikkun. Pendant 1500 ans, vous imaginez. Elle n'a jamais eu son tikkun. Parce que jamais personne n'était mis la metzroute sur tel neshama. Et quand j'ai vu cette neshama, elle souffrait énormément. Parce que cette neshama ne se trouvait ni dans ce monde, c'est comme un kafakela, oui. Elle se trouvait ni dans ce monde, ni dans le monde, elle était toujours. Chemishmor, comme Réchit Rocha, il explique qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, sans entrer dans les détails de ceux qui arrivent à la neshama. Mais cette neshama était punie tellement de temps. Et il fallait qu'une fois quelqu'un ait mis la metzroute sur cette neshama pour qu'elle reçoive son tikkun. Et quand j'ai vu cette neshama ici, j'étais mis la metzroute sur cette neshama, même que ça se peut que c'est pas exactement ce que leur intention c'était de dire si, il aurait dit le navi et tout ça. Mais pour être mis la metzroute et donner un tikkun à cette neshama, c'est pour cela que j'étais mis la metzroute sur lui. Et cette neshama, avec ce limoutzroot, a eu son tikkun. On voit ici que même que l'Admor HaZaken, devant une foule de gens, il avait l'air comme quelqu'un qui est Melam Metzrout sur des Rechaim, mais pour ça, son Metzrout Nefesh pour un autre juif, pour l'Avat Israël, pour Emetaken un autre juif, il était prêt à faire ce tikkun. Bon, ça c'est le Inyan de juste l'histoire. Dans la Paracha, on trouve beaucoup d'événements encore. Elle est Toldot Yaakov Yosef. Yosef. Alors la Gemara, elle dit, elle est Toldot, le Or Haïm, il dit, elle est Toldot Yaakov Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, les Toldot Yaakov Yosef? Les Toldot de Yaakov, les enfants de Yaakov, c'est juste Yosef. C'est pas juste Yosef. Parce que Rachel était. C'est lui qui veut l'appeler la première. Oui. Mais même si c'est Rachel, mais il y a Benjamin aussi. Non, il est le deuxième. Yosef, c'est le premier. Pas de problème, mais il y a des autres enfants. Il y en a qu'un autre. Hein? Il y a Rouven. Il y a Rouven et tous les autres du Fatim. Oui, mais c'était Rachel la préférée. Alors, le Rahim, il explique. Mais c'était pas la Charon non plus. C'était Benjamin. Benjamin était né, oui. C'est la descendance de Yaakov. Alors, le Rahim, il explique simplement. Tous les Fatim, tous les tribus, ils étaient dépendants de Yosef. Parce que c'est Yosef, l'Or Haïm, il explique. C'est qui, tous les Toldot, toute l'existence des Shvatim est venue de Yosef après. Parce que sans Yosef. Il les a nourris. C'est ça, il les a nourris. Plus tard, on voit dans les parachotes. Sans Yosef, ils n'auraient pas existé, les Shvatim. Ah, puisque Yosef, c'était lui qui les a nourris et il les a aidés, alors le verset dit « El Toldot Yaakov ». C'est quoi les enfants, les Toldot Yaakov? C'est vraiment c'est qui? C'est Yosef. Parce que tous les Toldot de Yaakov sont dépendants de Yosef. En vérité, ça répond aussi à une très grande question. Si on regarde le Or HaChaim et beaucoup de commentaires, ils demandent une question comme ça. Yosef, c'est certainement un homme très intelligent, oui. On est d'accord. Même à l'âge de 17 ans, toute cette histoire, tous ces événements, ça arrive, il a 17 ans, Yosef. Et on voit que Yosef, ses frères ne l'aiment pas. Il haïsse. Va yisnou oto. Oui. Et même avec eux, pourquoi ils l'ont détesté? Parce que Yosef, il était l'enfant préféré de Yaakov, etc. Et Yaakov lui donne la tunique, la coutonne de Passim, etc., qui crée une grosse haine entre les frères. Jalousie. Et après tout ça, Yosef, étant une personne très, très intelligente, quand j'ai vu la première fois que à chaque année on lit la paracha, et quand j'ai lu le verset, après qu'il lui donne un couteau de Passim, Yosef y va, il raconte ses rêves à ses frères. Mais c'est pas trop intelligent ça. On t'haït déjà. Il y a déjà une jalousie. Tu vas leur dire, voilà, peut-être moi je suis. Savait pas. Hein? Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'on est jalousé. Non. Depuis la création, c'était la jalousie. Non, mais peut-être lui, il ne le réalisait pas. Très bien. Il y a des commentaires qui disent ça. Il y a des commentaires qui disent peut-être Yosef, il ne savait pas que ses frères le jalousé ou l'haïssé. Mais les commentaires n'acceptent pas ça parce qu'on voit que Rashi, il rapporte Bemakom chez Iskir. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Là où il a parlé du mal. Là, il a parlé du mal des tribus, des Shvatim, il leur a parlé de leur Shevar, de leur bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Il dit qu'ils n'étaient pas Echad Balev et Echad Bapé. Vous savez, c'est quoi Echad Balev et Echad Bapé? C'est ce que j'ai dans mon cœur, je me dis, c'est pas ce que j'ai dans ma bouche. Je souris à quelqu'un, mais en vérité. Double face. Comment? Double face. Double face. Hypocrite. Ils n'étaient pas des hypocrites. Ils ont exprimé leur haine envers Yosef. Ah. Rachid le dit tout de suite. Ils n'étaient pas Echad Bapé, double face, Echad Bapé, Echad Bapé. Ils ont exprimé leur jalousie. Ils ont exprimé leur haine envers Yosef. Alors on ne peut pas dire que Yosef ne savait pas. Alors le Chaim, en se basant sur ce qu'on vient, il dit aussi que Yosef, ses rêves, il voulait leur dire, écoutez, un jour vous aurez besoin de moi. Alors vous verrez mieux de ne pas m'haïr. Mais ce n'était pas point de vue de Gaava, Chas v'Shalom. Ce n'est pas qu'il avait un orgueil. Écoutez, faites attention. Yosef, c'était un tzaddik. D'ailleurs, c'est le seul dans toute la Torah qui est appelé Yosef à tzaddik. Oui. Il n'y a personne d'autre. Mais il n'y a personne d'autre. Il y a Moshe Rabbeinu, c'est Rabbeinu. David, c'était David Avdi. Oui, Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Yaakov Avinu, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu. Mais Yosef, c'est Yosef Hatzadik. On a dit qu'il a rapporté, il a fait réfugié. Et ça, c'est. Isagor. Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Oui, mais. Dibatamara. Mais on dit aussi que tous ces frères, c'est des grands tzadikim. Tous ces grands tzadikim. Mais aucun des frères est appelé Yosef HaTzadik. Ouais. Bien sûr, c'est chaque tzadik a son. Après l'Égypte. La femme de Potiphar, on a commencé à l'appeler tzadik. Hazak. On va expliquer pourquoi. D'ailleurs, on va expliquer pourquoi. Hazak. Bon, alors, c'est pas que Yosef. Le Rochaïm l'explique. C'est pas que Yosef, il était orgueilleux, il leur a dit vous aurez besoin de moi. Non, Yosef, il leur faisait comme une faveur. Un jour, vous aurez honte. Parce qu'on voit dans Parashat Vayichi, dans Parashat Vayigash, que quand les frères se sont excusés avec toute l'histoire de Benjamin, etc., les frères se sont excusés, ils avaient honte de lui. Veyer, ou c'est quoi le verset? L'Hérode et Panav. Ils avaient peur de se rapprocher de lui, ils avaient honte. Alors il leur dit maintenant, écoutez, un jour vous aurez besoin de moi, un jour vous aurez honte de ce que vous faites. Alors c'est mieux que. Voilà, c'est pour ça que je vous raconte Merev. Ça, c'est le Or HaChaim. Bon, il y a plusieurs autres explications qui rapportent. Tout simplement, il y a une halakha dans Masechet Sanhedrin, c'est rapporté une halakha que chaque prophétie, si quelqu'un, un prophète, il a une prophétie et il ne l'exprime pas, parce que c'était comme une prophétie, oui. Le rêve de Yosef, c'était comme une prophétie. Alors, chaque prophétie qu'un prophète, il a et il ne le dit pas, il est chayav mita bide shamaim. C'est une halakha dans Masechet Sanhedrin. Un prophète qui retient une prophétie et il ne l'exprime pas après l'avoir reçue, il est chayav mita bide shamaim. Alors, selon Roche, il explique, c'est pour ça que Yosef, il était obligé de le dire, que ce soit les conséquences ne changent rien, il était obligé. Ça, c'est une explication. Il y a des autres explications que simplement Yosef, c'était quand vous avez un bon rêve, vous le racontez à quelqu'un, non? La Barbanel, il explique. Entre amis, on se raconte. Ouais, j'ai rêvé hier soir de mon père, de mon frère, etc. Pour que on s'aide à trouver peut-être un pitaron, une solution en rêve ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le Barbanel. Une autre explication. Hein? Le char sur la Torah, il rapporte que il y a un Gemara qui dit que chaque igeret qui n'est pas écrit, c'est quoi son lachon? Il rapporte kol chalom, excusez-moi, chaque rêve qui n'est pas raconté, c'est comme une lettre qui n'a jamais été ouverte. Ça veut dire qu'il faut le rêve pour qu'il soit exaucé. Il faut le raconter. Si on ne le raconte pas, il ne va jamais être exaucé. C'est pour ça d'ailleurs, il est médaillec. Shishmeru et chalomo, veisnu oto, al chamoto ve al diburo. Ils l'ont haï, pas juste pour ses rêves, mais aussi pour l'avoir exprimé. Parce qu'il savait, en l'exprimant, il allait être exaucé. Bon, toutes ces explications, ils sont bien, mais ça ne répond pas à certaines questions toujours. Quand Yosef, à la fin de la journée, il était personne sage. Il savait très bien qu'il ne voulait pas créer de la haine en ses frères. Chas v'shalom. L'amour entre les frères, c'est quelque chose de très important. Il a compris ça. Yosef, c'était une personne très, très, très sage. Mais il a fait Rechilut. On va en venir. Chazak, il y a plusieurs explications. Le Rechilut, il a une explication formidable sur tout le Inya là-bas, mais c'est... Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui de ça, parce qu'il est très compliqué. En tout cas, alors, une des explications, il raconte que, en racontant les rêves de Yosef, Yosef, il voulait vraiment faire de l'amour entre les frères. Il voulait créer un amour avec ses frères. Il savait que ses frères le détestaient. Vous savez, il y avait une haine, il y avait une jalousie. Il savait qu'il y avait une pizza. Excusez-moi. Non. Ah, la pizza. Yosef, il savait tout ça. Mais Yosef, c'était mes pages toutes. Le rabbi l'explique. Yosef, il voulait que ses frères interprètent les rêves de façon différente. Comment? Tous les rêves. Est-ce qu'on a trouvé des autres rêves dans la Torah? Qui a rêvé? Abraham Avinu. Abraham, il a rêvé de Israël, il a rêvé, je ne sais pas, Israël, quoi. Yaakov, il a rêvé. Solam, il a rêvé des anges. Qu'est-ce qui est arrivé? Les anges sont venus. Oui? Une seconde, avant Pharaon. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y avait des autres rêves? Il y avait Abraham, vous avez raison, Abraham, il a rêvé. Laban. Abraham, il a rêvé de la galoute, l'exil que ses enfants allaient descendre en Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé de ce rêve? Ils sont bien. Ils sont exaucés. Mais le pshat du rêve est exaucé. Alors Yosef, il cherche que ses frères traduisent son rêve de la façon du pshat. Bilam aussi. Ça veut dire que Yosef, il voulait que ses frères regardent au rêve. C'est quoi le premier rêve? Le premier rêve, c'est les étoiles et le... Non, ça c'est le deuxième. Les épis. Oui. Alors, Ma'alimim, Ma'alumim. Alors, Yosef, il veut que ses frères traduisent et comprennent le rêve de façon de pshat. Comment est-ce qu'ils comprennent? Quel avantage on trouve dans le premier rêve? Il y avait juste des épis, etc. Ça veut dire, Yosef, il veut leur dire, écoutez, même si je serai plus grand que vous, mais ça ne serait pas de façon spirituelle. C'est des gashmiyot. Dans le monde matériel, je serai un peu plus grand que vous, et ça signifie dans les épis, dans les alumim. Alors, vous n'avez pas à vous en faire, c'est rien de spécial. Mais dans le deuxième... Second. Mais ils voient que ça ne marche pas. Parce que pourquoi? Parce que quand une personne haït quelqu'un, il ne l'écoute même pas. Ce qu'il voit, c'est que tout, il a déjà des pensées différentes sur cette personne, il a des mauvaises pensées sur lui, il ne peut pas le voir. Je ne peux pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter leur frère Yosef. Bon, alors Yosef, il essaie une autre fois. Les étoiles, comment on peut les traduire? Les étoiles aussi. Yosef, il s'attend que ses frères, comme tous les autres rêves dans la Torah, le traduisent de façon très simple. Le pshat, ne rentrez pas dans la Kabbalah, dans les côtés esthétoriques de toute cette histoire. C'est quoi les étoiles? Les étoiles vont se prosterner à moi, mais pas vous. Pourquoi vous ne le traduisez pas comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas Melametzrout sur Yosef? Oui, mais il disait toujours que c'était le nombre d'étoiles était ses frères. Très bien. Le nombre. Mais c'est juste le mazal. C'est quoi les étoiles? C'est juste le mazal. Votre mazal, ok, j'aurai un plus grand mazal que vous. Mais ça ne se traduit pas qu'ils vont se prosterner à lui littéralement. Et du fait, on voit que Yosef, il essaie dans le deuxième rêve aussi, il essaie d'amener qui l'a amené dans le deuxième rêve. Son père et sa mère. Son père. Non, mais il demande à Yaakov d'être présent quand il raconte le rêve. Et quand il raconte le rêve à Yaakov... Yaakov s'énerve. Parce qu'il espère que son père va traduire le rêve de façon très simple. Mais il voit que ça ne marche pas non plus. Oui. Et ça, c'est pour ça. On voit ici en vérité la raison pourquoi Yosef il veut raconter, c'est pas pour créer Chas v'Shalom de la haine ou parce qu'il devait dire une prophétie ou etc. C'est parce qu'il voulait faire que, au contraire, il voulait créer un amour entre les frères et parce qu'il a il a essayé tellement, hein, ça s'est pas arrivé. Il n'a pas créé l'amour, il a créé. Exactement. Il a créé une haine. Donc moi il avait des bonnes intentions. Il voulait même le tuer. Mais il avait des bonnes intentions. Rav Bito, j'ai une question. Comment c'est ses frères, oui, qui étaient riches, on dit qu'ils étaient très riches, Yaakov était un homme riche. Oui, il était un homme riche. Riche. Donc automatiquement ses enfants étaient riches. Ils vont être jaloux d'une tuée. Non, on peut savoir, en vérité, vous savez, on dit dans la Gemara, la question est la moitié d'une réponse. Hachéla, une question est déjà la moitié d'une réponse. Ce que vous venez de dire, que on voit d'ici, c'est une preuve que la jalousie qui était entre tes frères, c'était pas juste simplement d'une tunique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. À moins que la tunique ait une signification autre, c'était une tunique. Non, parce que les frères de Yosef, on avait parlé de ça exactement avec Esav, oui. Vous vous rappelez, j'ai demandé une question. Pourquoi est-ce que Yitzhak ne veut pas donner une bracha à Esav aussi? Vous vous rappelez, on a parlé de cette question. Mais écoutez, c'est un tzadik qui donne des brachot à tout le monde. Pourquoi il ne donne pas la bracha? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la bracha. Il y a beaucoup de... Parce que Esav sait que quand Yitzhak va donner une bracha, c'est toute l'essence de Yitzhak qui va être passée à Yaakov, comme son héritier. Pas juste comme ça de l'argent et voilà, c'est tout. Non, l'essence de Yitzhak se trouve dans cette bracha. Quand Yaakov il donne cette tunique à Yosef, l'essence de Yaakov se trouve dans cette tunique. Parce que en faisant cet acte, il représente qu'il va être l'héritier de Yaakov. Oui, de tous les frères. Déjà avec Esav et Yaakov, c'est juste deux frères qui se disputent. Ici, on a 12. Et c'est tous des tzadikim. C'est pas un rachat, un tzadik. C'est tous des tzadikim. C'est vrai, c'est parce qu'il a perdu. À un certain moment, il a perdu la prophétie. C'est ça. Il a perdu. Et il y a Yosef aussi qui fait la shonara sur ses frères. Bon, c'est pas vraiment de la shonara, mais ça, ça n'a pas aidé dans sa relation avec ses frères. Donc. C'est dibatam, c'est ça qu'est-ce qu'il est. On va parler. On va voir exactement c'est quoi exactement. Tout simplement, si vous voulez, je vous donne une réponse très très simple. C'est que ce que Yosef y voyait, ce qui était, c'était très, deux choses différentes. Il mangeait, il y a beaucoup de. Selon le Zohar, Bichlal, les femmes, on avait parlé de ça, quoi. Hein? Ils étaient une création de Sefer Yetzira, c'était pas des vraies femmes. Il y a plusieurs explications qui démontrent, le Chaim il explique. Mais avant qu'on arrive à ça, peut-être on va arriver, je vais juste passer tous les événements de la paracha. Maintenant, tout de suite après que Yosef raconte le deuxième rêve, qu'est-ce que c'est écrit? Que Yaakov il n'est pas heureux et il lui dit: est-ce que moi et ta mère on va venir se prosterner devant toi? Et il lui dit: qu'est-ce que Yaakov il dit? Il a dit ça par rapport au frère, mais lui dans son cœur. Va'aviv shamar et adava. Il a attendu. Va'aviv shamar et adava. Rashi dit quoi? Va'aviv shamar et avada. Metzaper umamdin mata yavo. Qu'est-ce que ça veut dire Shamar et Tadavar, qu'il a gardé la chose? Ça veut dire qu'il il a attendu que ça arrive. Il savait que ça allait arriver. Oui. Alors, on demande une question. Yitzhak était encore vivant à cette période-là. Oui, bien sûr. Yitzhak, il était vivant même après que Yosef est devenu déjà un roi, etc. Il pleurait pour Yaakov toujours. Quand Hachem ne lui a pas révélé, etc. Il va décéder dans cette paracha. Pour dire qu'après, peut-être que même Yaakov, il va faire le cadre de Yosef quand il vient par la paracha écrit, avant qu'il meure. Oui. Qu'il se met bien dans le lit, tout ça. Mais où est-ce qu'elle rentre Rachel dans le rêve? Mais c'est pour ça. Les 10 frères. Oui. Ou 11 frères, enfin, quand on doit prosterner à Yosef. Oui, mais c'est ça, Rachid, il rapporte tout de suite, Rachid. Yaakov, il fait aussi un cadeau vers le bas de ça, Yosef. C'est alors, ça, c'est ça, c'est ça. Elle rentre dans l'histoire. C'est rapporté, Rachid dit, mais Rachel était morte. Alors, Yaakov, il avait pris la pour qu'il, que les frères se calment de ce rêve, il leur dit. Et puisqu'elle n'est pas là, ça veut dire que le rêve il est faux. Non. Puisque ce détail du rêve il est pas ici, alors tout le rêve il est pas bien. Mais Rachid rapporte que ce qu'il voulait dire c'était Bila. Bila. Parce que Bila c'était la servante de Rachel. C'était Akeret Abayit. Puisque c'était Rachel Akeret Abayit, alors sa servante elle est Akeret Abayit. On ne dit pas que toujours dans un rêve il y a une partie. C'est ça. Dans les rêves il y a toujours une petite partie fausse qui vient pour. Rachid rapporte ça aussi. Il y a toujours quelque chose. Rachid, Yaakov, il le sait. Khazak, Rachid rapporte ça aussi, c'est vrai. Alors, les commentaires, ils demandent qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi est-ce que Yaakov, il attendait tellement que cette chose, Vaishmor et Tadavar, que le rêve de Yosef s'exauce? Pourquoi il est tellement. Il veut tellement que ça s'exauce? Que lui-même, dans le rêve, lui-même, il vient, il doit se prosterner devant Yosef. Alors il explique, Alder Khamoussa, les 12, les Shvatim, ils représentent une certaine avoda, c'est rapporté dans beaucoup de livres, dans les livres de Chassidut aussi, les avot et les Shvatim et les tribus, ils étaient des quoi? C'était quoi leur travail? C'était des bergers. Oui. Rohim, roi Etzon. D'ailleurs, David Amelach aussi, c'était un roi Etzon. Oui. Alors, il explique, c'est quoi un roi Etzon? Les Shvatim ne voulaient pas s'impliquer dans le monde. Ils voulaient être dans le champ. Se détacher du monde. Parce que le monde, ils voyaient le monde comme si c'était le monde, c'était quelque chose qui était opposé au service de Avodat Hashem, au service divin. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi d'être des bergers, d'être toujours dans le champ, de prier Hashem. Et comme ça, hein, on peut se connecter. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup de chassidouyot que même, c'est raconté beaucoup sur le Baal Shem Tov, qu'ils partaient dans le champ. Pourquoi ils partaient dans le champ? Parce que dans le champ, on peut regarder la nature, on peut voir vraiment la main de Dieu, voir les arbres, le soleil, le coucher du soleil, etc. Et on peut connecter Hachem beaucoup plus facilement que d'être au travail, répondre au téléphone et avoir des soucis et le boulot et trouver, sortir, etc. On peut s'asseoir toute la journée dans le kollel et étudier toute la journée, bon Hachem, comme le dor du Midbar. Le dor du Midbar, ils avaient tout. C'est comme le kollel. Le kollel, c'est le Anané Akavod. Il y a des rideaux, on ferme les rideaux. Et après, on ne voit pas le monde dehors, il n'y a rien, il y a l'étude, la Torah, la Tfila. Bon, certainement qu'il y a, il y a un grand avantage de ça, mais est-ce que c'est... la réalité. Est-ce que c'est la, pas juste la réalité, est-ce que c'est le but de la création du monde? Est-ce que Hachem a créé le monde pour qu'on reste juste des bergers? Est-ce que Hachem a créé le monde pour qu'on reste dans notre quatre amot de halakhot, dans notre environnement, d'étudier la Torah, et on oublie de tout le monde? Hachem n'aurait pas créé, Hachem aurait créé des anges. Ça aurait été suffisant. Les anges, ils étudient la Torah tous les jours, ils étudient beaucoup mieux que moi et vous. Eh ben, Hachem, ils savent étudier, il y a une yeshiva en haut, yeshiva des Rekia, et tout ça. Là, il a besoin d'Hachem, c'est pas le but du monde. Alors, Yaakov, il voit dans Yosef le but du monde. Yosef, pourquoi il est appelé un tzaddik? Comme on l'avait dit, il est appelé un tzaddik jusqu'après qu'il ait descendu en Égypte, après qu'il est sorti dans le monde. Yosef, au début, c'était un berger aussi. Mais Yosef, il quitte le monde des bergers. Il rentre à Mitzrayim, qui est appelé Ervat Haaretz, que c'était la Touma, c'était l'empire qui avait juste la Touma. D'ailleurs, on dit que quand Yosef il sortait, toutes les femmes le regardaient, c'était un bel homme, etc. Et le Eshet Potiphar, etc. Et on voit que Yosef, il surmonte toutes les épreuves, il sort dans le monde, il est occupé à nourrir tout le monde, il fait du business. Mais Yosef Amazbir, oui, le Kolaam, c'était lui qui est le fournisseur de tout. C'est lui qui nourrissait tout le monde, il sort dans le monde, dans le travail, dans tout ça. Et c'est lui qui a plein de tzaddik. C'est pour cela, Yosef. Bon, il y a plusieurs opinions pourquoi Yosef était appelé un tzaddik. Mais une des raisons, c'est qu'il a surmonté l'épreuve avec Potiphéra, qu'il n'était pas pogem dans la brite. Et la brite, c'est Prinat de Yesod. Yesod, c'est tzaddik, etc. Beaucoup d'explications selon la Kabbalah. Et notre explication, c'est que Yosef, en étant en Égypte, il a surmonté toutes les épreuves. Il était dans le monde physique. Et il est resté. C'est pour ça, d'ailleurs... Qu'est-ce que Yosef, quand Yaakov il apprend que Yosef est toujours vivant, qu'est-ce qu'il dit? Oh, Yosef Rai. Mais bien sûr, c'est évident. Quand on lui dit que Yosef il est vivant, qu'est-ce qu'il doit dire? Oh, Yosef Rai. Bien sûr, non. Il était vivant spirituellement. Il était le même Yosef en étant un berger et resté le même Yosef en sortant en Égypte, en étant au travail. Évidemment, c'est la Hora'a pour nous, la leçon de nous, pour nous, c'est que on peut être un Yosef, chacun de nous peut être un Yosef. On ne doit pas être un berger. Il y a des gens qui doivent être des bergers, qui doivent être. Ils ont cette prina. Il y a des gens qui sortent dans le monde, ils sortent au travail, et ils restent Yosef. Ils restent Yosef Hatzadik. Et ça, c'est la leçon qu'on apprend de juste de ces mots. La viv shamar et adava. Et Rachid dit Mamtin ou metzape matayavo. Parce que Yosef, Yaakov, il réalise que tout le but du monde, c'est le travail de Yosef. Pas le travail juste des Shvatim. Oui, il y a un très grand avantage dans le travail des Shvatim, mais le but, c'est Yosef. Vavi Shamar et Tadavar. La paracha de la semaine dernière, oui. Yaakov vient et rencontre ça, et il lui dit Im Lavan Varti. Finalement, c'est dans la même idée. Parce que j'étais chez Lavan à Aracha, mais je suis resté Yaakov. Chazak. Donc c'est la même Oui, oui. C'est comme oui. On n'a pas appelé Yaakov Tzadik. Une seconde, excusez-moi. Mais Yosef, quand il était. Et Yaakov, quand il était chez Laban, il était quoi? Un berger. Il était un berger. Oui, mais il était dans la tombe. Ah, il était mort. Ok, très bien. Il n'était pas seulement berger, il faisait du business parce qu'à un moment, il prenait, il devait prendre un pourcentage. Il était berger. Yosef, c'est comme. Écoutez, c'est comme je vous dis. Les Jvatim, ils étaient des bergers, mais ils étaient dans un bon environnement. Yaakov, il était un berger dans un mauvais environnement, mais il était toujours un berger. Il n'avait pas cette prina de sortir dans le monde. Ce grand chidouche, c'est juste avec Yosef. Il n'a pas vécu en ville. Il n'a pas vu en ville. Il n'était pas à Saint-Catherine. Il n'était pas à Saint-Denis. Il dirigeait l'entreprise de Potiphar. Pas juste de Potiphar et Paro. Il devient le conseiller de Paro. Mais quand est-ce qu'il a. Mais Yosef, il reste un tzadik. Quand est-ce qu'on est nommé tzadik, c'est quand il a surmonté. Oui, il y a une histoire dont. Tout de suite après, entre-temps, Yosef, il était vendu. C'est l'histoire. Ses frères l'ont pris, l'ont mis dans un abor, rek, en bomaim, avec bo akravim, en akhashim, etc. L'histoire, il est vendu à Potiphar. Entre temps, on nous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. Bon, oui. C'est déjà, toute cette histoire, elle est. Je ne sais pas si on a assez de temps pour. On est déjà 9h. Bon, je vais essayer de courir un petit peu. Mais un point qu'on apprend, il y a une histoire très intéressante dans ma série de Ktubot. De Mar Ukva. C'était un chacham, c'était un tana. Mar Ukva s'est raconté qu'il donnait de la tzedaka chaque jour, chaque semaine, il donnait de la tzedaka à un pauvre, lui et sa femme. Et c'était, il donnait une somme d'argent, peut-être 4 zouz, quelque chose comme ça, il le posait à sa porte et il courait, les deux, lui et sa femme. Et ce pauvre, après un bout de temps, il était très curieux de savoir qui lui donne cette tzedaka chaque jour, il donne cette tzedaka. Alors un jour, il a décidé, moi je vais me mettre à la porte et je veux savoir qui me donne cette tzedaka. Je suis obligé de savoir. Bon, il attend. Le matin, vers toujours la même heure, il vient à côté de la porte et il entend des pas, etc. Courant vers la porte, il ouvre la porte et il voit un homme et une femme qui se sont commencés à courir pour se cacher de lui. Il ne voulait pas qu'il le voie. Et il court après eux, ici, par là. Ils sont arrivés à une place, il y avait juste un fourneau. Un fourneau, c'est ça? Oui, un fourneau. Qui était allumé avec du feu. Ils sont entrés dedans. Les deux. Et il arrivait le pauvre. Regarde ici. Disparu. Bon, il a dit peut-être c'était Elia ou Anavi, je ne sais pas. Il n'est pas. En attendant, quand ils cherchaient, ils sont dans le four, il y a le feu. Agmar raconte que Nirkachou Raglav Shel Mar Ukva. Ses pieds ont commencé à fondre un petit peu. Le feu, là, il est. Il se retient. Alors sa femme lui dit, mets ton pied en dessous du mien et ça va aller. Parce que le pied de sa femme n'était pas endommagé. Alors Mar Ukva, Nirlesha da'ato shel Mar Ukva, la Gemara raconte, il s'est dit, est-ce que ma femme elle est plus grande sagesse que moi? Moi, mon pied, je suis en train de fondre, elle, tout va bien. Alors elle a senti qu'il était un petit peu. Elle lui a dit, ne t'en fais pas, mon mari. Toi, quand tu donnes de la tzedaka, hein, tu donnes de l'argent. Et le pauvre, il a toujours faim, même après. La pièce de monnaie, il ne peut pas la manger. Non. Il faut qu'il va, il achète de la farine. C'était pas dans le temps, il faisait du blé, faire de la farine. Ça lui prend du temps, il a faim. Moi, quand les pauvres, ils viennent chez moi, je leur donne tout de suite du pain. Je leur donne. Ça y est, tout de suite, je leur donne à manger. C'est pour ça, hein. J'avais une plus grande route de la tzedaka. Alors, la Gemara, elle demande, Kule Hai, est-ce que Mar Ukva et sa femme devaient sauter dans un fourneau, dans un four? Mais ça, ok, vous essayez de faire mais est-ce qu'il doit, il doit sauter dans un fourneau? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Alors la Gemara, elle dit, elle apprend de l'histoire de Tamar et Yehuda. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Adif lo la Adam, Shiapil et Tatsmo le Kifshan Aej, ve Ayal bin Pana Pne Chavero. Que c'est mieux qu'une personne se jette dans du feu, c'est de là-bas que Maroukva d'ailleurs. Le comportement de Maroukva, ils l'ont appris de Tamar. Tamar, quand Yehuda il avait appris, c'est quoi la relation de l'histoire maintenant? Quand Yehuda il avait appris que Tamar, elle a eu des relations avec quelqu'un, il ne savait pas que c'était lui, oui, évidemment. Et il lui a dit, il lui a envoyé, il lui a dit. Sortez-la et brûlez-la. Non, lapidez-la. Brûlez-la. Il faut la brûler. Alors elle lui a, et qu'est-ce qu'elle a dit? Va Tomar. Elle a dit, hein? Le propriétaire. C'est ça. C'est ça. Les morts, les ishachers, elle est. C'est qui a, c'est, parce que, qu'est-ce qu'elle avait fait quand, avant qu'elle ait eu des relations avec lui? Elle lui a demandé, donne-moi ta canne. C'est ça. La bague. Parce qu'elle savait, c'était une sadéquette. Elle avait, les mefarchim racontent qu'elle voulait avoir des enfants. Ouais. Ses deux enfants, les enfants de Yehuda. Elle s'est mariée avec le premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Voilà. Le troisième, il a dit non. Ok, attends pour le troisième, il est trop jeune. Il y avait une mitzvah de Yivoum. Et il lui a dit, laisse des signes. Elle lui a dit, laisse-moi un signe, l'autre demande à ta. Alors, elle a, quand ils sont venus la voir, elle n'a pas dit, mais c'était moi qui étais avec lui. Elle n'a pas voulu faire avec lui. Alors, elle a dit, non, voilà, à qui ça appartient ces choses-là, sans leur dire. Donnez-lui ces choses. S'il va le dire, alors voilà. S'il ne le dit pas, je vais sortir. Il serait fou au Dibaïch, qui me brûle. À la Gemara, elle apprend de là-bas. Que c'est préférable qu'une personne saute dans le feu et ne pas embarrasser son prochain. De là-bas, Mar Oukva apprend, il voulait pas embarrasser le pauvre. Mais si le pauvre il court pour savoir c'est qui lui donne, c'est qu'il va pas s'embarrasser, sinon il serait pas sorti dehors voir c'est qui lui donne la tzedaka. Le pauvre il peut faire ce qu'il veut, moi j'ai mon travail. Oui, mais si le pauvre il va être embarrassé, il va pas sortir pour voir c'est qui. Il va continuer à le recevoir en cachette. Si il est sorti, c'est qu'il n'est pas embarrassé. Peut-être. Peut-être. Ils vont passer comme ça. Peut-être au moment qu'il va les voir, il va être un peu gêné. Mais Mar Oukva et sa femme ont pris le sang de. Est-ce qu'on devrait arrêter ou c'est le temps, non? Oui. 9h05.